Non, t'inquiète, je te donne la main. Et tu fais doucement. Oui. On t'attend, Tim. C'est chaud. Ouais, regarde. Tu sais que tu veux être assis la main. C'est chaud. Ouais. Alors, tu vas, si tu veux, tu peux enlever ça. Mais si je l'enlève, c'est vraiment courte. D'accord. C'est vrai qu'il y a encore un peu les moustiques. Alors, regardez. Est-ce que vous arrivez à voir où sont les micros? Non. Non? Ah non, où il se cache son micro? Ah, tu les as vus? Oui, là. Ça y est? Ah oui, là. Trois. Ah, où? Ah non, c'est un tronc d'arbre. T'as vu où tu es, toi-même? Là, là, c'est le petit point, bah, oui. Point noir. Ah là. Et point noir. Alors, attendez, regarde. Je viens de récupérer. D'abord, je viens de récupérer. Regardez. Là. Où c'est que j'ai mis? Là-bas, j'ai mis un sac poubelle. Un sac poubelle? Voilà, et on voit les câbles qui viennent là, et après, les micros sont accrochés là-haut. Alors, je vais aller récupérer. Vous pouvez vous mettre assis sur le bout de bois, là, s'il vous plaît. Papa, on n'a pas vu d'animaux. Papa, on va raconter une belle aventure. Oui. Ça, ouais, mettez-vous assis sur le bout de bois, là. Papa, c'est quand on va faire du surf de bois. Du quoi? Du surf de bois. On coupe un bois, il est en rond, et après, on surf. Du surf de bois? Allez, on arrête. On arrête quoi? L'enregistrement. Ah.